Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Arnaud Zuck. Bonjour Arnaud. Bonjour Sarah. On va parler de votre premier livre qui s'appelle L'Aube du Diable, édité aux éditions Ex Aequo. Donc je vais vous poser quelques questions un petit peu pour connaître votre parcours d'écrivain. Après ça, on parlera un peu d'une librairie insolite dans la région Grand Est. Et pour terminer, comme d'habitude, je vous parlerai du Caprice de la semaine. Alors tout d'abord Arnaud, pourquoi avoir choisi cette histoire, donc L'Aube du Diable? Je vous laisse décrire un petit peu l'histoire qui s'est déroulée dans les années 50. Oui, alors c'est une histoire qui est très connue en Meurthe-et-Moselle, pas tellement en dehors du bassin de Meurthe-et-Moselle. C'est vrai que je suis toujours surpris parce que c'est une très grande affaire criminelle, hein, au même titre que l'affaire Grégory ou que, remontant plus loin dans le temps, l'affaire Gilles de Rais, mais l'affaire du curé du Ruf. Alors, c'est vrai qu'ici, à Nancy, le Ruf, petit village près de Toul, ça parle beaucoup, on le sait, les anciens la connaissent très bien. Oui. Moi, je suis mosellan, enfin, d'origine ancienne, mais mosellan, mais les mosellans la connaissent pas tellement. Et c'est vrai que je me suis attaché dans ce roman, dans ce premier livre, à raconter un peu cette histoire terrifiante de l'affaire du curé du Ruf. D'accord. Alors oui, terrifiante, effectivement, parce que quand on voit ce qui s'y passe, on a quand même affaire à un curé, je dirais presque le diable en soutane. Oui, bah c'est le titre. Voilà, c'est tout à fait le titre, L'Aube du Diable. Ça fait vraiment peur. Alors, vous êtes avocat de profession, je crois spécialisé en droit médical. Oui, droit médical, droit des affaires. J'ai bien été voir mes sources. Absolument. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Alors, bon, déjà, le métier d'avocat est un métier d'écriture, ça, à la base. Hein, on écrit toute la journée, on plaide, mais on écrit aussi toute la journée. Moi, je ne suis pas pénaliste. Hein, j'ai fait un peu d'assises au début de ma carrière, comme tous les jeunes avocats. Hein, on s'en frotte un peu l'exercice. Hein, c'est du théâtre, donc c'est toujours très agréable. Ensuite, j'ai fait autre chose, j'ai quitté un peu le droit pénal. Et avec cette histoire, alors, je suis toujours quand même très attaché à l'actualité des grandes affaires criminelles. Toujours passionnant, effectivement, de suivre, de rentrer un peu dans la tête de ces individus, qui sont souvent des personnes lambda. Hein. Là, c'était le cas en l'espèce, c'était un prêtre catholique. On ne peut pas faire plus simple, c'était un curé. Alors, on n'est pas dans cette histoire du curé du Ruf dans un crime d'ordre sexuel. Hein. Oui. Pas du tout. Encore qu'il va entretenir de relations... Oui. Amoureuse avec ses paroissiennes, très jeunes paroissiennes. Hein. Au jury, on dirait quand même aujourd'hui, on dirait quand même que clairement c'était un pédophile, puisque je crois que les plus jeunes avaient... Alors lui, à 30 ans, c'est un jeune curé qui va arriver dans le village du Ruf en 1953. Il va entretenir des relations avec deux paroissiennes principalement. Alors à l'époque, elles sont encore mineures, hein, on est en 56, donc elles ont 18 ans. Oui, puisque la majorité, c'est 21 ans, je crois, à l'époque. C'est 21 ans, absolument. C'est ça. Donc elles sont encore mineures, des relations amoureuses. Les deux vont tomber enceintes de ses œuvres. La première, il va lui demander effectivement d'abandonner l'enfant ou d'avorter. Elle le fera sans aucune difficulté. Hein. C'est le curé, ce sont des petites gamines qui sont subjuguées effectivement par ce prêtre. Et puis il avait une influence terrible sur les familles. C'était un très beau parleur. Il était invité le dimanche. Alors il va réveiller la commune du Ruf. Hein. Il faut savoir que quand il prend son sacerdoce lorsqu'il arrive dans la paroisse, c'est un vieux curé, la commune du Ruf s'endort. On est en 50, juste après-guerre, 54, 53, 54. Il va la réveiller, il va jouer au football, il va créer une équipe de théâtre. Ils vont un atelier cinéma aussi. Voilà, il fait plein de choses comme ça. Il fait plein de choses. Il va les emmener, je crois, voir la plage, voir la mer. Ce sont des jeunes filles. Elles n'ont jamais vu le sable. Elles n'ont jamais vu la mer. Ouais. Donc, il va faire plein de choses. C'est vraiment l'idole des jeunes. Pourtant, ce n'est pas un type très, très beau. Moi, je le décris dans mon livre comme un belâtre. Ah grand, oui, brun, les yeux bleus. C'était pas du tout la réalité. Pas du tout. Non, pas du tout. Guy Desnoyers, de son vrai nom, n'était pas du tout un bel homme. Hein. D'accord. Mais en revanche, il savait très bien parler aux femmes. Et c'est toute jeune fille de Ruf. Donc, il va réveiller un peu cette paroisse moribonde et ces jeunes filles vont être subjuguées. Il va donc effectivement les mettre enceintes, deux d'entre elles. La première va donc abandonner son enfant à sa demande. Il va l'accompagner. Moi, je décris effectivement cet épisode, puisque le livre fait deux parties sur ces deux jeunes filles. Hein, puisqu'il y a deux jeunes filles principalement qui sont concernées par le sujet. La première, il va donc l'emmener dans le sud de la France et il va lui faire abandonner son enfant. Oui. Voilà. Et elle va mourir d'ailleurs. Alors, Moi, je l'ai fait mourir. Vous la faites mourir. Moi, mais je l'ai fait mourir. Non, elle ne meurt pas. Ah, bon. Elle revient avec lui dans le village. Okay. La vraie Amandine revient, qui ne s'appelle pas Amandine. J'ai changé tous les noms. D'accord. Alors, j'ai pas voulu également. On me pose souvent la question, mais pourquoi vous avez changé? Pourquoi vous parlez pas du Ruf? Pourquoi vous parlez pas de Guy des Noyers? Je n'ai pas souhaité garder les vrais noms pour la première raison, c'est un roman. Ok. Si je m'inspire effectivement de la trame de l'affaire, moi, j'ai écrit quand même un roman. Et la seconde raison pour laquelle je n'ai pas gardé les vrais noms, c'est que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Effectivement, le village du Ruf, je crois, a été très traumatisé. Oui. Pour la petite histoire, je crois que le maire, dans les années 60, avait essayé à l'époque de changer le nom de la commune. Parce que quand on parle du Ruf, on parle du crime du curé du Ruf. Donc, mais il n'a pas obtenu gain de cause. Ça s'appelle toujours Ruf aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, j'ai changé tous les noms. Moi, je l'appelle Amandine. Elle revient. La vraie Amandine est revenue avec Guy des Noyers au village. Okay. Au village. Moi, je l'ai fait mourir. Parce que voilà, c'est un roman et je lui ai donné malheureusement un destin plus tragique. Bon, d'accord. Donc il y a un enfant qui va naître, qui va être abandonné par cette jeune fille. Ensuite, quelques mois passent et une deuxième jeune fille tombe enceinte. Du curé. Le problème, c'est que celle-ci ne veut ni l'abandonner, ni avorter. Non. Et phénomène rarissime à l'époque, on est quand même à l'aube des années 60, les parents acceptent. Les parents acceptent. Acceptent que leur fille donne naissance à cet enfant, on crée un petit lit en bois, sachant qu'on ne sait pas qui est le père. Puisque cette deuxième jeune fille ne parle pas, ne dévoile pas l'identité du père. Sans forcément, parce que pour la première, il avait vraiment insisté en disant « tu ne dis pas que c'est moi, absolument. C'est un compagnon du devoir qui était venu, tu ne dis pas ». Et là, il n'a pas besoin de lui dire, elle lui dit « mais pour la deuxième, ne t'inquiète pas, je ne dirai rien ». C'est absolument vrai. Il n'a pas besoin de… voilà. Alors… vous décrivez avec quand même beaucoup, beaucoup de précision, moi je trouve, les manipulations un petit peu de séduction de ce curé. Il sait y faire, ça vous l'avez dit. Il entretient aussi une relation, alors réalité ou fiction, avec une femme un peu plus âgée qui était veuve ça, et qui avait de l'argent. Ça, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est romancé? Ou est-ce que, parce que nous les filles, ça nous fait rêver. Enfin voilà, il leur dit des mots doux à l'oreille. Il y a aussi cet aspect un petit peu d'interdit qui peut être très séducteur. Parce que vous le décrivez comme un très bel homme. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que vous avez recueilli des témoignages ou est-ce que c'est de la pure fiction pour faire rêver les lectrices, entre autres? Alors, je ne sais pas si c'est pour les faire rêver, parce qu'on est quand même typiquement… Je ne connais pas le vrai tempérament de Guy des Noyers. Oui. Je n'ai pas voulu le connaître, je ne peux pas le connaître. D'accord. Moi, je me suis attaché à décrire ce qu'on appelle aujourd'hui un pervers narcissique. Ok. Un pervers narcissique, ça fait rêver au début, ça fait rêver quelques semaines, quelques mois, mais après ça ne fait plus rêver du tout. Ça ne fait pas rêver, non. Après ça ne fait plus rêver. Donc effectivement, c'est ce schéma de ce type qui va, clairement, embobiner effectivement sa proie, puisque ces jeunes filles sont des proies, sa victime, on va leur raconter des belles choses, on va leur parler d'amour, alors qu'il n'y a pas d'amour du tout. Moi, je le décris tel quel. Hein. Et effectivement, eh bien, on va développer ce schéma, ce processus de manipulation, puisque c'est de la manipulation, pour la faire abandonner, pour la faire avorter, pour la faire… manipule effectivement ces jeunes filles. En plus, il a d'autant plus de facilité à le faire qu'il est curé. Le curé avec à une influence énorme. Énorme. On est en 1956, à Uruf, il y a 392 habitants, Sarah. Ah, oui, et à l'époque, quels sont les trois personnages qui comptent le plus dans les villages? Le curé, le maire et l'instituteur. Et l'instituteur, voilà, absolument. Les trois personnages se retrouvent dans mon roman. Ce sont les trois personnages clés du village. Ouais. Quand l'un des trois prend la parole, mais on l'écoute religieusement sans faire de jeu de mots. Hein, donc, effectivement. Et ce personnage, moi, je l'ai complètement inventé au niveau de ce processus de manipulation. D'accord. Mais je devais quand même pas être très loin, à mon avis, de la réalité. Oui, je pense. Hein. Alors, pour répondre à votre question, je me suis un peu documenté sur le schéma du pervers narcissique. D'accord. Et après, j'ai développé, effectivement, c'était tellement facile qu'il est grand, il est beau, il a les yeux bleus. Et puis ces jeunes filles sont subjuguées. Donc après, j'ai déroulé le fil, si vous voulez. Ok. Hein. Je vous propose une petite pause musicale, Arnaud, avec Clara Luciani. Et on se retrouve juste après. Elle veut s'oublier, elle veut qu'on la drague. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour sur Caprice de lecture avec Arnaud Zuc pour son premier roman, L'Aube du Diable. Donc nous allons poursuivre cette interview. Arnaud, comment avez-vous trouvé toute la documentation qui vous a permis de rédiger ce premier roman ? Alors, je ne suis pas allé sur les lieux, je n'ai pas voulu me rendre à Eruf parce que c'est un roman et j'ai voulu décrire moi un village qui n'existe pas. Hein. Celui que vous retrouvez dans le roman n'est pas le village d'Eruf, qui est okay. un très beau parce village, certainement. On pourrait le croire. Hein. On pourrait le croire. C'est bien, bien décrit. Hein. Absolument. Alors, j'ai repris effectivement quelques caractéristiques des villages meurthe-et-mosellans, avec la pierre de ville, oui. la pierre blanche, ce genre de choses, mais je ne décris pas le village d'Eruf. Sur la documentation des années 60, 50-60, après, bon, je me suis intéressé effectivement à la vie quotidienne dans ces petits villages. On a 390 habitants à Eruf en 56. C'est vraiment une très petite commune, oui. une très petite paroisse, Meurthe-et-Mosellane. Et après, je me suis simplement intéressé, eh bien, documenté sur la vie, les rapports avec l'Église, les rapports avec, entre les femmes, les rapports, ce genre de choses. D'accord. Ce qui est le quotidien de nos aïeux dans les années, okay. les années 50, au lendemain de la guerre. Donc du coup, vous allez en archive, vous faites comment pour ça en fait ? Internet, aujourd'hui, effectivement. Vive Internet. Internet, et puis effectivement, bon, j'ai quand même acheté quelques ouvrages sur les vies quotidiennes des années 60, parce que moi je suis beaucoup plus jeune, je suis né en 72, donc je ne connaissais pas, j'étais pas né, hein, donc je ne connaissais pas cette vie quotidienne. D'accord, ok. Alors, une dernière question, moi j'aurais bien aimé la poser en premier, mais bon, ce n'est pas possible. Un deuxième roman est-il en cours de rédaction ? Et j'y rajouterais presque, si oui, est-ce qu'on sera sur la même thématique ou est-ce que ce sera autre chose ? Alors, oui, un deuxième est en cours de rédaction, parce que l'écriture c'est un virus. Ouais. pas vous, je vais le dire ça, vous dites une grande lectrice, l'écriture c'est encore pire. Non, c'est un virus, quand on est addict, on devient addict, donc j'ai effectivement commencé l'écriture du deuxième. Okay. Ça prend beaucoup de temps, étrangement ça prend même plus de temps pour le deuxième parce qu'on a encore moins le droit à l'erreur que le premier. Oui. Parce que c'est vrai que le roman n'a pas trop mal marché, mm-hmm. je suis assez satisfait des retours et des D'accord. ventes, et je me dis que je n'ai pas le droit à l'erreur sur le deuxième. Après, donc, est-ce que vous aussi, vous en tant qu'auteur, vous n'avez pas une exigence encore supplémentaire. Oui, c'est ça. En vous disant, mais non, celui-là, il était bien. Moi, je on veux faire mieux. On veut faire mieux. Bien sûr. On ne veut pas faire aussi bien, on veut faire mieux. Oui. Évidemment, on ne veut surtout pas faire moins bien. Bien sûr. Normal. Et ce serait pour quand ? Je suis curieuse. Alors, je pense au début d'été, fin du printemps. Hein. D'accord. L'écriture d'un roman, ça prend 6 mois. Après, pour le corriger, l'éditer. Mm-hmm. J'ai ma maison d'édition, ils sont sur les starting blocks. D'accord. Mais effectivement, je pense que début de l'été, livre de plage. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Arnaud. C'est moi qui vous remercie. Alors, on rappelle le titre de votre livre, L'Aube du Diable, inspiré de faits réels, édité aux éditions Execo. Juste préciser que si les lecteurs ne connaissent pas la vraie histoire du curé d'Eruf, ne surtout pas aller la vérifier sur Internet tant qu'on n'a pas lu le livre. Oui. Voilà, parce que la chute est réelle, elle est bouleversante, elle est oui. terrifiante, et il faut éviter effectivement de la connaître si on n'a pas lu le suspense. Exact. Moi, justement, je ne dévoile pas, quand je présente, je ne dévoile jamais la fin, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt quelque voilà, part. Absolument, hein tout à fait. Voilà. On va retrouver Patrick Fiori avec Les gens qu'on aime, et après, nous découvrirons une librairie atypique dans le Grand Est. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien, si j'en avais un. J'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin, j'ai bien plus cher à faire. Bam, da, ba, da, bam. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots que nous taisons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux, c'est mieux qu'un beau requiem, et les dire, c'est attendre la prochaine, remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin. Écoule nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passe les jours et puis les semaines, bam badabadam. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous les mots que nous cachons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux, c'est mieux qu'un grand chrysanthème, et le dire, c'est le rappeler de temps en temps. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève. Bam da ba da ba. On devrait dire aux gens quand on les aime, nos heures amères en poèmes, on devrait tous se dire avant. Il faut le dire aux gens quand on les aime, comme ils comptent pour nous chaque instant. Les mots doux, c'est mieux qu'un beau requiem. Et tant qu'on est là, bien vivant, tout se dire tant qu'il est temps. Caprice de lecture sur Fadjet, l'essentiel de l'actualité littéraire. Pour cette troisième partie d'émission, je vous invite à aller découvrir une librairie insolite qui se situe à Villers-lès-Nancy, qui s'appelle la librairie de l'année et qui se trouve au domaine de l'année à Villers-lès-Nancy, donc juste à côté de Nancy. Alors pourquoi j'ai choisi cette librairie? Parce que c'est une librairie très éclectique dans ses choix. On passe de la petite enfance, donc de la naissance, évidemment jusqu'à l'âge adulte, avec tout type d'ouvrages proposés, du roman bien sûr, mais aussi du livre de voyage. Et sa particularité, c'est offrir une partie objets catholiques et livres catholiques et religieux. Cette librairie est ouverte du mardi au samedi, de 10h à 17h30, avec un personnel très sympa, un site internet très sympa aussi. Je vous invite à aller la découvrir également sur leur site www.librairie-2-6-lasne.com. @jjmdaufry, c'est un peu compliqué à dire, .com. Voilà. Pour terminer, enfin, un caprice de lecture cette semaine de Claire Mazard et qui s'appelle « Je te plumerai la tête ». Alors, tout à l'heure, vous parliez de pervers narcissique, Arnaud, on est en plein dedans. C'est un livre qui est à destination des ados, je dirais de grands ados, voire même jeunes adultes. C'est une jeune fille qui a 17 ans, qui est au lycée, qui vit avec son père dans une maison immense. Et sa maman est hospitalisée parce que gravement malade. Et son père, en fait, en début de roman, lui dit « Mais non, on va pas voir ta maman, elle est trop fatiguée, elle souhaite pas te voir, il faut que tu te concentres sur tes études. » Et petit à petit, elle va se réveiller un jour, elle va se dire « Mais mince, je vais y aller en cachette. C'est pas normal qu'elle m'aime plus, ma mère. C'est pas parce qu'elle est malade, qu'elle ne m'aime plus. » Et au final, terminale, elle se rend compte, en discutant avec sa maman en phase terminale de cancer, malheureusement, que le père dit la même chose à la mère, ne passe plus la voir, a modifié le numéro de portable de cette jeune fille pour pas que la mère puisse la joindre. Et la maman décède de cette maladie. Et petit à petit, cette jeune fille, en menant son enquête avec un groupe d'amis, ça fait un peu, ça fait écho à Club des 5. Ils sont 5, mais c'est des grands ados. Elle se rend compte que le père dépense tout l'argent de la mère. Elle se rend compte qu'elle avait une famille que le père a complètement occultée parce que c'est un vrai pervers narcissique. Et il a une emprise telle sur sa fille qu'il avait tout gommé autour. Donc je ne révèle pas la fin, qui est assez... Bon, on pourrait l'imaginer tragique, mais elle ne l'est pas tant que ça, fort heureusement. Je vous invite à aller le lire, Claire Mazard, Je te plumerai la tête. C'est un livre également recommandé par la médiathèque Manufacture de Nancy. Je vous souhaite de très belles lectures. Vous retrouverez toutes ces chroniques sur le site internet capricesdelecture.fr. Merci Arnaud d'être venu. C'était un vrai plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Belle journée, au revoir.